Genèse chapitre 4. Or Adam connut Ève, sa femme, laquelle conçut, et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore Abel, son frère. Et Abel fut berger, et Caïn laboureur. Or il arriva, au bout de quelque temps, que Caïn offrit à l'Éternel, une oblation des fruits de la terre, et qu'Abel aussi offrit des premiers-nés de son troupeau, et de leur graisse. Et l'Éternel eut égard à Abel, et à son oblation, mais il n'eut point d'égard à Caïn, ni à son oblation, et Caïn fut fort irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais bien, ne sera-t-il pas reçu, mais si tu ne fais pas bien, le péché est à la porte. Or ses désirs se rapportent à toi, et tu as seigneurie sur lui. Or Caïn parla avec Abel, son frère, et comme ils étaient au champ, Caïn s'éleva contre Abel, son frère, et le tua. Et l'Éternel dit à Caïn, où est Abel, ton frère? Et il lui répondit, je ne sais, suis-je le gardien de l'amour, et un frère, moi? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre à moi. Maintenant donc, tu seras maudit, même de la part de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu laboureras la terre, elle ne te rendra plus son fruit, et tu seras vagabond et fugitif sur la terre. Et Caïn dit à l'Éternel, ma peine est plus grande que je ne puis porter. Voici, tu m'as chassé aujourd'hui de cette terre-ci, et je serai caché de devant ta face, et serai vagabond et fugitif sur la terre, et il arrivera que quiconque me trouvera, me tuera. Et l'Éternel lui dit, c'est pourquoi quiconque tuera Caïn, sera puni sept fois davantage. Ainsi l'Éternel mit une marque sur Caïn, afin que quiconque le trouverait, ne le tuât accent circonflexe et point. Alors Caïn sortit de devant la face de l'Éternel, et habita au pays de Nod, vers l'Orient d'Éden. Puis Caïn connut sa femme, qui conçut et enfanta Enoch, et il bâtit une ville, et appela la ville Enoch, du nom de son fils. Puis Ira naquit à Enoch, et Ira engendra Mehujael, et Mehujael engendra Methusael, et Methusael engendra Lémec. Et Lémec prit deux femmes, le nom de l'une était Ada, et le nom de l'autre, Sia. Et Ada enfanta Jabal, qui fut père de ceux qui demeurent dans les tentes, et des pasteurs. Et le nom de son frère fut Jubal, qui fut père de tous ceux qui jouent de la harpe et de l'orgue. Et Tsia aussi enfanta Tubal-Caïn, qui fut forgeur de toutes sortes d'instruments d'airain et de fer, et la sœur de Tubal-Caïn fut Naama. Et Lémec dit à Ada et à Tsia, ces femmes, femmes de Lémec, entendez ma voix, écoutez ma parole, je tuerai un homme, moi étant blessé, même un jeune homme, moi étant meurtri. Car si Caïn est vengé sept fois davantage, Lémec le sera 77 fois. Et Adam connut encore sa femme, qui enfanta un fils, et il appela son nom Seth, car Dieu m'a, dit-il, donné un autre fils au lieu d'Abel que Caïn a tué. Il naquit aussi un fils à Seth, et il l'appela Lano. Alors on commença d'appeler du nom de Lét, R-N-E-L.